Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut à toutes et à tous, c'est Eric, bienvenue ici dans l'émission Johnny de A à Z, le lundi, le mercredi et le vendredi, à partir de 17h, et ici sur Facebook, sur la page Johnny de A à Z sur AIG et nulle part ailleurs. Comment allez-vous en ce lundi 13 avril? Eh oui, mais vous, ça va, hein, lundi de Pâques, hein? Tout va bien? Ouais? Vous avez passé un bon week-end? Confiné, bien sûr, à rester chez vous, bien sûr. Vous avez fait un footing? Non? Non, je sais pas, non, vous me direz ça plus tard. Qu'est-ce que je vous ai proposé aujourd'hui? Aujourd'hui, une émission de 1 heure consacrée au nocturne de Georges Lang. Le 22 mai 2013, Georges Lang fêtait ses 40 ans d'émission et avait pour invité spécial Johnny Hallyday, qui avait fait une petite programmation qui était sympa, bien entendu, et avec quelques extraits aussi du concert qu'il donnait. C'était à l'époque, c'était on stage. Où John a aidé, c'était la suite de Jamais Seul en quelque sorte. Voilà, on ne sait pas comment appeler vraiment ce concert-là. Voilà. Je vais vous faire découvrir ça pendant 1 heure. Et John a aidé, donc souffler donc les 40 bougies. On va retrouver quelques extraits que Johnny avait programmés, comme du Elvis Presley, comme du Johnny Cash, comme du Muddy Waters, Carl Perkins, Black Keys et tant d'autres. Et écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer tout de suite cette programmation. Hein. Installez-vous bien, hein. On est ensemble pendant 1 heure. Oui, vous avez vu, ouais. Il n'y a plus de moustache, il n'y a plus de barbe. Oui, ouais, je suis en train de tourner un clip. Vous verrez ça prochainement. Pas forcément sur Julie de AZ, mais sur mon compte. Et après, on fera peut-être un petit partage. Êtes-vous prêts pour suivre cette émission pendant 1 heure? Allez, c'est parti. 1 heure de Johnny Hallyday. C'était, je répète, en direct des Nocturnes qui fêtaient ses 40 ans avec Georges Lang. Avec Johnny. Johnny, ça c'était un vieux rêve. Depuis le temps qu'on en parlait de cette rencontre. Ben, tu te rappelles que la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit, viens faire mon émission. Ouais, et c'était voilà. Au théâtre Edouard VII. Et ben voilà, j'arrive de Los Angeles et qu'est-ce que je fais? La première visite, c'est pour toi. Et tu sais que ce que tu me dis là me rappelle que tu me parlais, tu t'en étais même pas rendu compte, tu me parlais, tu étais en caleçon devant moi. Ah bon? Ouais, tu te déshabillais. J'étais dans ma loge. Tu étais dans ta loge, exactement. Et on avait dit... Bah, non mais moi ça me rappelle, ton émission est formidable, ça me rappelle tellement de souvenirs. Tu sais moi, quand je sors de scène, je prends ma voiture, après je rentre chez moi ou je vais dans la ville d'après. Et évidemment, grâce à toi, nous avons la radio et on écoute ton émission. C'est et c'est sympa. Vrai que ça nous donne chaud au cœur parce que tu passes vraiment toute la musique qu'on aime, quoi. Oui, bah écoute, je ne me force pas. J'aime ça, je la passe comme toi. Ouais. T'aimes ça, tu le chantes. Oui, oui, non, mais la recette voilà. Est toute mais simple. Non, ça fait plaisir parce qu'on n'entend pas dans les radios toujours que cette musique-là. Ouais. Et cette musique-là, elle est formidable. Enfin, moi, c'est ce que j'aime comme alors, musique. Alors, juste avant qu'on ouvre le micro, je te demandais, t'écoutes la radio là-bas à Los Angeles, que tu arrives quand même de Los Angeles. Hein, ouais. Et tu n'as pas l'air d'être perturbé par le jet lag. Hein, je te le dis tout de suite, t'as l'air en forme. Je sais pas non, si tu l'es, va, mais tu j'ai un peu le décalage horaire, mais ouais. Ça va. Je voyage tellement que les décalages horaires, maintenant, je les supporte assez bien. Ouais. Tu dors dans l'avion? Non, je dors pas beaucoup dans l'avion. Non. Moi, je regarde des films. Bon, ouais. Alors, tu me disais, moi j'écoute la radio là-bas, et je disais, quelle radio? T'as entendu tout à l'heure, on parlait de KLOS, de QS101, et toi tu me disais, non j'écoute, une radio country à Los Angeles. Il n'y en a pas beaucoup des radios country. Oui, j'écoute beaucoup la country parce que quand je suis en voiture et que je conduis et que j'écoute de la country music, j'ai vraiment l'impression d'être aux États-Unis, quoi. Mais tu y es aussi. Et les grands, non, mais les grands espaces, etc. On voit les grands espaces, etc. Non, mais j'écoute une radio qui s'appelle Highway. Et c'est vrai qu'il y a tout. Mais c'est pas la vieille country, c'est la country d'aujourd'hui, quoi. C'est celle qu'on passe le vendredi chez avec, RT. Voilà, avec des guitares électriques, etc. Mais tu sais que la country d'aujourd'hui, c'est presque du rock and roll. Ben oui. D'ailleurs, il y a plein de mecs qui viennent du rock, qui chantent de la country à Nashville maintenant. Ouais, absolument. Le mot est faux. Le mot n'existe plus. La country, ça n'existe vraiment plus en tant que tel. Il y a un chanteur de country que j'adore, c'est Garth Brooks. Ah ouais, Garth Brooks. Ouais. Eh ben, figure-toi que j'étais un des premiers à l'interviewer. Et 120 millions d'albums plus tard, il s'en souvient encore. Chaque fois qu'il me voit, il me dit hey, t'es le premier à me poser des questions quand je suis descendu de scène à Nashville. Super. Ouais. Garth Brooks qui fait Las Vegas maintenant. En tout cas, Johnny, merci d'être venu. Il y a de l'actualité pour toi. Tu vas chanter, et notamment le 15 juin. Tout le monde le sait, le 15 juin, tu vas fêter un anniversaire, le tien. Ah, merci, oui. Je te le souhaite pas encore, hein, ça porte ma chance. Oui. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah bah écoute, moi, je suis venu pour ton anniversaire, pas pour le mien. C'est sympa. Donc, je dis 40 quand même... ans, c'est un bail quand même. Hein. Ah oui, attends. Dis merci à nos patrons. Il y en a un qui est là, Christopher Baldelli. C'est grâce à lui que je suis. Merci de l'avoir gardé, hein, parce qu'on n'a que lui pour la bonne musique. Alors, ton actualité, c'est donc la scène, mais c'est aussi un disque, un double CD live qui paraît, qui s'appelle On Stage. On Stage, oui. C'est ta vie, ça, sur scène. Ben, c'est les meilleurs moments de chaque ville dans la dernière tournée que j'ai faite, qu'on a gardé quand on en a fait un enregistrement. On l'a surtout fait comme souvenir pour les gens qui sont venus au spectacle. Mmh. Voilà. Et alors, toutes les villes où il y a une arène ou un big venue, comme on dit en anglais. Même des zéniths. Par exemple, tu es venu à Amnéville chanter dans un endroit qui s'appelle le Galaxy, que je connais bien. Je trouve cet album génial. Je l'ai parcouru assez rapidement, ce que j'ai découvert aujourd'hui. Et j'ai repéré une chanson qui s'appelle I Who Have Nothing. Oui, que je chante en duo avec ma choriste Amy Keys. Oui, alors, elle est avec toi depuis 2006, c'est ça, ta choriste? Oui, oui. Elle a fait plein de choses, mais en fait, elle se destinait à la médecine et elle t'a rencontré, elle a complètement changé d'avis. Maintenant, elle chante, quoi. Ben, elle chante très bien. Hein. Ouais. Elle chante super bien. Oui. Elle chante aussi pour plein d'autres stars, hein, aux États-Unis surtout. Hein. Ouais. Là, en ce moment, elle est en tournée avec Toto. Oui. Tu nous le confirmes, parce qu'on n'a pas réussi à avoir un tournée. Si, il est en tournée avec Toto. Oui, avec Steve Lukather. Oui, absolument. Ouais. Et que je vais d'ailleurs aller voir le 13, qui est la veille de mon premier spectacle à Bercy. Oui. Et voilà, donc elle ne sera pas exceptionnellement, elle ne sera pas dans cette tournée avec moi, parce qu'elle est avec Toto en tournée. Mais elle, s'il ne travaille pas sur scène, elle viendra certainement chanter avec moi à Bercy. Elle envoie, hein, quand elle chante. Oh là là, elle envoie super bien. Je me souviens très bien l'avoir vue au Stade de France. Ouh, oui. Elle fait l'effet. Bien, oui. Alors, revenons à la chanson I Who Have Nothing. C'est une chanson que tu as découverte comment, ça? Je l'ai découverte en écoutant Tom Jones. Voilà, mais la première version n'est pas de Tom Jones. Non, c'est pas. Mais sa version est sublime. Sa version est sublime. Ouais. Oui. Ce qui veut dire que tu t'intéresses quand même toujours à ce que font les autres pour trouver ton inspiration. Tu échappes beaucoup de disques, tu écoutes la radio, ça on le sait, mais tu vas chez, par exemple, chez Ameba, sur Sunset pour acheter... Oui, moi j'achète, je suis revenu un petit peu sur les vinyles. Oui, c'est la grande mode. J'achète beaucoup de vinyles parce que je trouve que le son des vinyles... Il est plus chaud. Je sais pas, il y a quelque chose de... Il y a un son, quoi, un vrai son. Alors, voilà, pour moi, c'est de la vraie musique. Alors, on va écouter ta chanson, c'est superbe. Ça s'appelle I Who Have Nothing. C'est une exclusivité parce que le disque n'est pas sorti. Il sortira début juin. Tu la chanteras sur scène, celle-là? Oui, bien sûr. Mais alors, avec qui, puisqu'elle ne sera pas là? Elle est là avec elle, s'ils ont un jour de relâche, autrement avec la choriste qui la remplace. Écoutez ça. Qui est très bonne aussi. Hein. C'est une superbe chanson. Johnny avec nous dans Les Nocturnes, dans Ces Nocturnes. C'est lui qui fait la programmation. Nothing. I 40 ans de Nocturne, Johnny Hallyday programme l'émission. C'était le 22 mai 2013. Je regarde la liste de ton disque, c'est superbe. On passe des choses qui sont très connues des années 60 à des nouveautés. Moi, j'aime bien cette façon de travailler comme ça, de toujours être à la recherche d'un truc nouveau et puis de ne pas oublier les fondamentaux, tes fondamentaux. D'ailleurs, tout à l'heure, on écoutera un medley que j'ai préparé à ton intention et je veux dire que en réécoutant tout cela, je me dis que finalement, on a les mêmes racines. On a les mêmes sensations à écouter les choses qui nous ont marqué. Mais tu sais qu'à l'origine, I Have Nothing, c'est Ben E. King qui l'avait enregistré. Ouais. Il n'a pas fait que la chanson qu'on connaît, Stand By Me, il en a fait d'autres. Voilà, hein. Absolument. C'est assez dommage d'ailleurs qu'on résume toujours la carrière de Ben E. King à Stand By Me. Donc cette chanson avec la choriste exceptionnelle Amy Keys, qu'est-ce qu'elle envoie, dis-moi. C'est jouissif de chanter ça sur scène. Écoute, moi ça m'aide beaucoup de chanter avec des chanteurs ou des chanteuses qui chantent bien. Oui. Et pour moi c'est un... c'est pas du travail, moi, d'aller sur scène, c'est du plaisir. Ce n'est que du plaisir. Alors, on stage, tu le seras très bientôt pour une tournée. Tu vas fêter, donc, on l'a dit tout à l'heure, ton anniversaire sur scène. Tu l'as voulu, ça. Tu avais déjà fait des anniversaires au Parc des Princes. Mais là, ça sera dans quel endroit, alors? Ben là, c'est à Bercy. À Bercy. J'avais fait au Stade de France, déjà, je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait dans énormément d'endroits. Au Palais des Sports, au Stade de France, cette fois-ci sera à Bercy. Et Bercy, ça me rappelle tellement de bons souvenirs, parce que quand j'ai commencé ce métier, j'ai commencé par l'Olympia. Bon. Ensuite, je me suis dit, on va voir un peu plus grand, on a fait le Palais des Sports. Et ensuite, j'ai été voir le Bercy qui était en construction à l'époque, et quand j'ai vu la salle, je me suis dit, non, je ne vais pas pouvoir faire cette salle, c'est vraiment énorme. Et bien si, ben, on l'a fait. Et après, j'ai fait le Stade de France. Alors, on ne peut pas aller plus haut que le Stade de France, en tout cas, pas pour l'instant. Oui, mais c'est bien. C'est bien parce mais que... c'est un peu retour aux sources. Moi, je reviens à Bercy, là. Et puis, tu as aussi fait des petites salles, on s'en souvient très, très bien. Mais la Cigale, ça la me rappelle... La Cigale, j'y étais. La Cigale, ça me rappelle des souvenirs formidables, parce que c'est vraiment une salle rock'n'roll. Ouais. Tu étais tout en anglais, là, je crois, c'est ça? J'avais tout en anglais, puis sinon, j'avais fait une deuxième fois avec, en français aussi. En tout cas... Merci d'être là pour programmer cette émission. Je veux dire que pour un anniversaire, pour 40 ans de Nocturne, on ne pouvait pas rêver mieux. You're the best. Tu es celui qu'il fallait avoir. Et quand on a émis l'idée de te demander de venir, bon, on s'est dit, bah, il va nous envoyer balader. Il a tellement de boulot, il est fatigué. Non, mais j'y tenais beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. En plus, je te l'avais promis la dernière fois. C'est bien que tu tiennes tes promesses. Je tiens toujours mes promesses. Merci, en tout cas. Alors, parlons d'une autre chanson que tu interprètes en anglais sur cet album On Stage, qui sortira le 3 juin. C'est ce titre un peu compliqué à prononcer. I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You. C'est une des premières chansons d'Elvis. À l'époque où, parce qu'il a commencé par le rockabilly Elvis. Ouais. C'était pas encore le rock'n'roll, il n'existait pas. Ouais. Et cette chanson, j'ai toujours voulu chanter cette chanson, et là j'en ai profité de la faire dans la série Unplugged. Tu sais que les Beatles ont chanté aussi? Ah non, ça je savais pas. C'est sur un album qui s'appelle Live at the BBC. Non, je ne savais pas. On a écouté ça cet après-midi en préparant l'émission. Je connaissais That's All Right Mama, mais je ne connaissais pas par eux celle-là. Alors, on va écouter la version d'Elvis, puisque tu l'as choisie dans ta liste. I'm gonna sit right down and cry over you. Ce n'est pas la version de Johnny, c'est celle de Elvis Presley. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even cry, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna tell my mom up, tell my papa too. Exactly what I'm gonna do. If you ever said, write down and cry. Elvis, Elvis avec le titre que Johnny chante sur son album Live, I'm gonna sit right down and cry over you. Bravo, Johnny. Je vais m'asseoir près de toi. Je vais m'asseoir et pleurer auprès de toi. Voilà. À propos de t'asseoir, t'as vu qui c'est qui est assis derrière toi, là? Tu ne sais pas qui est derrière toi. Regarde, c'est ta femme. Elle est assise par terre. Je lui ai proposé une chaise. Elle préfère être par terre, Laetitia. Oui, mais c'est comme ça. Ce que tu veux. Ouais. Elle m'avait dit, quand on était venu au théâtre Édouard VII, ouais, on va venir en pleine nuit parce que Johnny et moi, on n'a jamais couché avant 4h du matin. Ben, on a le temps. On a le temps de discuter de musique. Et puis, je voudrais saluer aussi notre ami. Tu sais que je l'ai connu. Il était haut comme ça, comme trois pommes. Il n'aime pas quand on dit ça. Eh ben, écoute, moi, je vais te dire la même chose. Je l'ai connu en même temps que toi. On parle de ton manager. Et moi, je l'ai vu en culotte courte. Ah ben, moi aussi. Dans les couloirs d'RTL. Il a même enregistré des jingles pour nous pour WRTL. Sébastien Farran. Et maintenant, c'est mon manager. Comme quoi, tu vois, on a pris un coup de vieux tous les deux. Mais lui aussi, par voie de conséquence. Oui. On va écouter maintenant de la country, car tu aimes ça. Et là, tu as demandé pour le coup de la country traditionnelle, parce que le Man in Black, l'homme en noir, Johnny Cash, c'est quand même quelqu'un qu'on vénère tous les deux. Écoute, il est dans la country, ce qui était Elvis dans le rock. Ouais. Voilà. Tu sais qu'il est venu ici à RTL. Je l'avais fait venir il y a une trentaine d'années. Johnny Cash. Pour c'est chanter. Pas quand il est passé à Paris. Oui, au Bataclan. Ouais, d'accord. Et il avait repris un titre de Leonard Cohen, Bird on the Wire. Ouais. Alors là, tu as choisi, parce que c'est toi qui fais la programmation. Je le rappelle à ceux qui allumeraient leur radio. Vous écoutez RTL, c'est le 40e anniversaire de l'émission. Et notre programmateur ce soir s'appelle Johnny Hallyday. C'est Johnny, tu as choisi Get Rhythm. J'adore ça. Allez, on écoute. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes, how'd he keep from getting the blues? He grinned as he raised his little head, he popped his shoeshine rag, and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get rhythm. When you get the blues. Left and right, he took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm. When you get the blues. C'était Johnny Cash à l'instant, choisi par Johnny Hallyday. Écoute, Johnny Cash était quand même le roi de la country, mais tu ne trouves pas quand même qu'il y a un côté de parenté avec le rockabilly? Mais c'est du rock. Au début, c'était du rockabilly. C'était du rockabilly, oui. D'ailleurs, quand il est venu chanter pour la première fois chez Sun, là où Johnny a commencé, ah, où Elvis a commencé. Johnny a commencé, c'est ça. Eh bien, Sam Phillips a dit, non, c'est trop rockabilly, ça, non, c'est fini, il faut faire du rock'n'roll maintenant. Et il a fait avec son ami que l'on connaît tous, Scotty Moore. Scotty Moore qui a joué pour moi aussi. Ouais, je suis allé chez lui, malheureusement, le pauvre, il a de l'arthrite, il peut plus jouer. Ah bon, ah. Mais quel homme formidable. Ouais, c'était formidable. Extraordinaire. Ouais. Super guitariste. Ouais. Alors écoute, je vais te faire une petite surprise. C'est pas surprise, c'est pas non plus l'émission de Jean-Pierre Foucault, mais on a un ami commun au téléphone, Phil Labro. Salut Philippe. Salut les enfants, comment ça va? Oh ben ça va très bien. Philippe, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci debout? Ben, je suis debout pour écouter mon ami Johnny. Ah bon, parce que d'habitude tu dors à cette heure-ci, non? Non, Johnny, non. Il m'arrive très tard de travailler, parce que je travaille beaucoup, comme tu sais. Ben oui. Et j'écoute souvent Georges. Et là, ce soir, il était évident que je serais au rendez-vous. Bon, ben écoute, ça me fait plaisir. Au revoir. Bon. Alors, Philippe. T'as une très bonne voix. T'as une très bonne voix. Ça va très bien, non, ça va, super, je suis en pleine forme. Là. Il est en très grande forme, moi j'atteste. Philippe, alors, oui. Johnny, pour toi, bien évidemment, ce sont des souvenirs d'écriture. Tu l'as fréquenté, ce garçon. Je me souviens qu'on on était tous ensemble à Las Vegas à un moment donné, et tu as fait un superbe discours. Et Johnny mais il n'a pas fini d'écrire pour moi. Hein. Non, le message est passé, le message est passé. Et tu avais. Johnny avait terminé après ton discours en disant. Ce Philippe Labro, il parle tellement bien qu'il devait se présenter aux élections présidentielles. On se souvient très très bien. Et la salle avait éclaté de rire au 20e étage du Riviera, là où nous étions. Alors Philippe... Ce que je n'avais pas ajouté, c'est que si j'étais candidat au présidentiel, j'aurais pris comme ministre de la Culture Johnny Hallyday. Hein. on ne serait pas dans la Moïse. Hein. Philippe, merci de nous écouter, mais qu'est-ce que ça t'inspire, cette venue de Johnny dans mon studio que tu connais bien, parce que tu es venu à plusieurs reprises. C'est quand même exceptionnel, c'est un beau cadeau qu'il me fait. Hein. Je sais que ça te fait très plaisir, parce que tu m'en as souvent parlé, et tu n'avais aucun doute, puisque Johnny dit que tu as ses promesses, c'est vrai que c'est un garçon très loyal et très fidèle. Néanmoins, je suis convaincu que tu es très heureux, et je t'imagine, et je suppose que tu as un petit verre de Bourbon à la main. Même pas, non. Je vois une tasse de café vide. Ah non, mais c'est pas sérieux, les enfants, il faut que je vienne. Et une bouteille d'eau à côté, bon. Vous êtes pas sérieux, les mecs. Non, mais attends, il vient d'arriver, la nuit est longue encore, tu sais. Ouais. Non, et puis d'autre part, ce qui est très intéressant, c'est de voir la programmation que fait Johnny, parce que il est pas nul, le mec. Tu pourrais l'engager. S'il chante plus un jour, il pourra être programmateur de radio, voire même animateur. Mon Philippe, alors on passe que de toute façon que des chansons et des chanteurs que tu aimes bien. Donc Johnny Cash, je sais que tu as une passion pour Johnny Cash comme moi d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et puis attends. Rappelle-toi que quand je t'ai écrit Jésus-Christ, un des refrains qu'on n'a pas utilisé disait. Si Jésus-Christ était aujourd'hui, ça serait hippie. Il aime beaucoup Johnny Cash. Dans sa poche, il n'a pas de cash. Oui, c'est vrai. Et pourquoi vous avez abandonné ça? Pourquoi vous ne l'avez pas mis dans la chanson, ce passage? Parce que ce n'était pas génial. Ah ouais. Merci Philippe d'être passé par le studio au travers du téléphone. En tout cas, j'espère que tu vas revenir très vite faire une programmation dans les nocturnes, parce que c'est toujours un grand moment quand tu viens. Tu te souviens, la dernière fois, on avait parlé de ton livre Mon Amérique à moi, et on avait reçu une tonne de courriers, parce que les gens aiment beaucoup la façon dont tu racontes les États-Unis. Nous, on aime les États-Unis, mais toi, tu le racontes quand même mieux que nous, Philippe. Hein, c'est vrai, Johnny, non? C'est vrai, oui, il raconte les États-Unis comme nous, on aimerait l'avoir. Ouais. Oui, mais Johnny la chante très bien aussi, je te signale. Hein. Merci Philippe, on t'embrasse et puis... Je te vois très vite, hein, Philippe. On continue à nous écouter, ça nous fera plaisir. Ne va pas te coucher trop tôt, Philippe, ok? Promis? Allez, on écoute un peu de blues maintenant. C'est Johnny qui l'a choisi ce titre. Muddy Waters, Rolling Stone. Vous écoutez une rediffusion de l'émission Les Nocturnes qui fêtait ses 40 ans. C'était le mercredi 22 mai 2013. Et invité spécial, Johnny Hallyday. Swimming in a deep blue sea, I would have all you good looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh love, oh love, showing up. House. And I sat down, oh, on her step. She said, come on in now, buddy, you know my home. Husband just now left, showing up and just now left, showing up and just now left. Oh, Lord, oh, well, oh, well. He's gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sean, I feel the rolling stone. Oh, well, Lisa. Oh, well, Lisa. Oh, well, Lisa. C'était en 2013. Et nous, maintenant, on a ce qu'on appelle un ID humain. Un ID, c'est identification en anglais. Ça veut dire que les gens prononcent le nom de l'animateur et disent des choses sympathiques. Mais là, cette fois-ci, on a un ID humain, humaine, parce qu'elle est donc chère et en os à côté de moi. Écoutez, écoutez bien. Bonsoir, Georges. Bonsoir. T'as vu, j'ai pris ma voix d'après minuit. Oui. Et alors ? Eh bien, je suis venue te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu peux me le chanter ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear George Lang. Happy birthday to you. Nolwenn Leroy, à côté de moi. Vous vous rendez compte un peu la chance que j'ai? À ma droite, Johnny Hallyday. À ma gauche, Nolwenn Leroy. Je suis l'animateur de radio le plus comblé ce soir en France. Merci. C'est nous. Et qu'est-ce que tu fais là, dis-moi? Tu te sors à cette heure-ci? Oui. Je me baladais. Je me baladais. Rue Bayard. Et en fait, non, maintenant, je n'aurais loupé cette soirée sous aucun prétexte. J'étais bien au courant de cet anniversaire. Je l'avais noté sur mon calepin, sur mon calendrier. Et puis j'avais envie d'être là, à tes côtés. C'est sympa. En tout cas, je ne te présente pas Johnny, parce que tu le connais. Tu as même chanté. On a chanté ensemble déjà. Oui, j'ai eu la chance de chanter. À quelle occasion? Écoute, à plusieurs occasions, mais seulement tous les deux, pas si longtemps en fait. On avait chanté avec d'autres dans des collégiales et j'avais jamais eu ce bonheur, cette chance de pouvoir chanter rien qu'avec Johnny. Ça s'est passé il y a quelques mois lors d'une émission consacrée à Johnny. Dis-moi, il a chanté un truc en breton, non? Non, il s'est pas encore mis au breton, mais je pense qu'il y a plein de surprises et je pense que ça pourrait se faire. Johnny, tu crois qu'elle pourrait chanter du rock'n'roll, la petite? Oui, bon, ben oui, elle peut tout chanter. Hein. En tout cas, moi, je suis ravi. Hein. Voilà, deux artistes RTL à côté de moi, parce que c'est vrai que vos tournées respectives se font avec notre maison. On n'est pas peu fiers de le faire, de le dire. Hein. Bravo, merci. C'est très gentil d'être passé. Merci, Georges. C'est génial quand même d'avoir Johnny à mes côtés. Hein. Écoute, c'est un peu... Oui, non, mais c'est, en fait, c'est... Tu sais, comme je disais, lorsqu'on vient ici, le temps s'arrête. Et ce qui se passe dans l'enceinte de ces murs reste ici. On est, et c'est des moments rares, des moments un peu magiques. Et là, ce soir, c'est le cas. Et tu as vu toute la direction. Et là, Christopher Baldelli, je Jacques crois qu'il n'y a jamais autant de monde dans ce studio. Hein. Jacques Benloulou. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est la fête, quoi. C'est la fête des nocturnes. Tu sais, Nolwenn, je t'ai écouté chanter en anglais. Et je dois dire que tu as un accent parfait. Je voulais te le dire, quand même. Merci beaucoup. Bah, tu sais qu'elle a vécu un peu aux États-Unis. Elle nous l'a raconté dans l'émission. Hein. C'est vrai. Rappelle-nous où exactement? J'ai vécu à côté de Cincinnati, dans l'Ohio. Oui, une ville qui est un peu le trou du cul du monde, hein, faut dire ce qu'il y a. Tu peux le dire, Georges. Ouais. C'est à Hamilton, dans l'Ohio. Bon. Et j'ai passé une plus belles années de ma vie là-bas. Et c'est vraiment un endroit très, très cher à mon cœur. Et Johnny a la chance de passer une partie aussi de son temps là-bas. Et c'est un endroit assez fabuleux. Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment beaucoup appris là-bas et j'ai de très très bons souvenirs aux États-Unis. So thank you, girl, to be one of my guests tonight. Merci Nolwenn, je t'embrasse merci très très fort et je te dis bonne tournée avec RTL. Hein. Ça va être super. J'ai eu des échos déjà à Utz, on m'a raconté tout ça. Et demain soir à la Grande Motte. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que j'aille me coucher parce qu'ils ont demain soir. Voilà. Merci en tout cas d'être passé. Merci Georges. À très bientôt. Et Johnny, on continue notre programmation puisque c'est toi qui as décidé que nous allons écouter maintenant du rock and roll. On va écouter, si tu le veux, un medley que j'ai préparé à ton intention. Ce sont toutes les chansons que j'aime, que tu as chantées à des moments de ta vie et qui sont pour moi des rappels d'artistes que je connais. Ricky Nelson, Bobby Vinton, George Jones qui vient de mourir à l'âge de 81 ans. Personne ne sait que Tes tendres années, c'est une chanson country. T'en as fait un tube extraordinaire. Le pénitencier, avec bien sûr un rappel des Animals et de Monsieur Burden. Et puis également... Hey Joe, Jimi Hendrix, ça c'est une grande histoire. De Jimmy, oui. Ouais, joue pas de rock'n'roll pour moi. Tu ne sais même pas, Johnny, tu t'en souviens pas, que cette chanson-là, j'étais le premier à la passer en France et qu'un de tes secrétaires a appelé RTL le lendemain pour dire « C'est génial, Johnny voudrait l'enregistrer, quelles sont les références ?» Tu t'en souviens pas? Ah non, je m'en souviens pas, non. Et puis la même chose pour le bon temps du rock'n'roll de Bob Seger. Moi aussi, j'ai répondu à un de tes collaborateurs, mais je lui ai dit « Attends, je suis emmerdé parce que Dick Rivers m'a posé la même question et Eddie Mitchell s'apprête à me la poser aussi. Et c'est toi qui as gagné finalement dans les batailles. On écoutera aussi un extrait de la discographie de Eddie Cochran, la fille de l'été dernier. Et puis Eddie Cochran encore avec Elle est terrible. Et enfin les Crystals, That Do Run Round. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas dans la vie. Que parfois je m'ennuie. La nuit, quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie. Je pense à toi. Que tu l'aimes, je sais, oui tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime, bien plus fort, en secret, un matin, quand il partira, quand tu pleureras, dis-toi bien, que tu vivais, tes tendres années. Bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Hey Joe, cours pas comme ça, dis y'a pas le feu chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais, rien qu'un lit froid sans personne dedans. Nous n'avons plus rien à nous dire. Ne te sers pas de souvenirs. Joue pas de rock and roll pour moi. Oh non. Joue pas de rock and roll. Joue pas de rock and roll. Joue pas de rock and roll pour moi. J'en ai assez d'entendre à la radio les mêmes sons et les mêmes tempos. Il faudrait que la musique s'affole. Tout comme au bon vieux temps du 20e. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Quand l'amour s'en va, Dieu, tout est fini. Dadu, rom, rom, rom, dadu, rom, rom. Ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis. Dadu, rom, rom, rom, dadu, rom, rom. Oui, mon amour est mort. Oui, bien sûr, j'ai eu tort. Oui, j'aimerais encore. Dadu, rom, rom, rom, dadu, rom, rom. Des Nocturnes avec Johnny Hallyday. Et voilà, le fils de personne signé. C'était Philippe Labro qui avait écrit les paroles. Oui, c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai mis exprès dans le medley parce que je savais qu'il allait nous appeler, donc je me suis dit, si Philippe nous écoute, ça sera un clin d'œil à la collaboration avec Johnny. T'as vu, on a commencé tous les deux dans le studio, t'as vu un peu, il y a 60 personnes là. D'abord, on va finir, ouais, ben, d'abord c'est pour ton anniversaire. Bon, hein, si c'est sympa. Signale. Puis en plus, t'as vu qu'il y a un gâteau qui est arrivé. Il est beau le gâteau, il marque 40 ans, ouais. Avec un gâteau au chocolat. Il fait à peu près 60 cm sur 60, il y a de quoi nourrir tout Paris là. C'est génial, merci en tout cas à vous tous qui m'avez fait cette surprise d'apporter le gâteau de l'anniversaire des Nocturnes. Et toi, je te raterai pas le 15 juin. Il manque le champagne quand même. Hein, ouais, mais il y en a. Attends. T'as dit que tu buvais que de l'eau. Ah, mais moi, je bois que de l'eau. Mais je parle pour toi. Non, mais t'en fais pas. Ça va arriver. En tout cas, on va encore parler musique parce que c'est toi qui as fait la programmation. Et je voudrais qu'on rende hommage à celui qui a été le mentor de pas mal de monde, d'Elvis. Je crois que t'as chanté avec lui d'ailleurs à Nashville pour une émission qu'avait produit Antoine Decaune. Oui. Carl Perkins, tu te souviens? Oh, Carl Perkins, Blue Suede Shoes. Ben voilà. Monsieur Blue Suede Shoes. Tu veux qu'on se l'écoute? Ah oui, ça me ferait plaisir. Il n'y a rien de plus simple. Regarde, Bernard est prêt. J'ai même chanté avec lui. One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Car, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Show free to get ready now. Go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Des Nocturnes avec Johnny. C'était le 22 et là, mai maintenant, 2013. Johnny, on va parler des nouveautés. Regarde, je viens de recevoir une photo là. C'est Los Angeles. T'as vu le temps qu'ils ont là? T'es parti, il faisait beau comme ça. Oui, il faisait beau. Oui. C'est mon fils et ma fille. Ils nous font des bisous parce qu'ils nous écoutent là-bas. Pour eux, c'est le début de l'après-midi. Et t'es arrivé à Paris, il fait froid. C'est quoi? Et pour toi, t'es paumé là, non? Il fait moins froid quand même que ce que je pouvais imaginer. Ah, tu croyais qu'il faisait pire encore. Oui, oui. Ah, les journalistes à la télé, tu vois, ils racontent. Enfin bon, tu sais, il fait 35 degrés à Los Angeles. Ouais, alors, ouais. On n'est plus habitué à la pluie et au mauvais temps. Nous. Alors j'embrasse mes enfants qui nous écoutent et puis on passe tout de suite aux nouveautés. Puisque, on le sait, tu ne t'intéresses pas qu'au rock'n'roll, tu écoutes la radio, country. Tu vas... Je m'intéresse à la bonne musique, surtout, bonne quelle musique. Que soit la musique. Alors dans ta programmation, tu as choisi de nous faire entendre les Black Keys. Ah, j'adore les Black Keys. Ouais. Et ouais. Pourquoi c'est... Parce que pour moi, c'est du rock'n'roll d'aujourd'hui, du rock'n'roll moderne. Oui. Voilà. On les passe aussi, nous, la nuit, dans les nocturnes, sur RTL. Et là, tu as choisi Lonely Boy. C'est un titre tout à fait intéressant. Grâce à Johnny, ceux qui ne connaissent pas les Black Keys vont les connaître. Des Nocturnes, Johnny himself en personne, qui nous a donc concocté une programmation parce qu'il aime la musique. Toi, tu vis dans la musique. Le matin, quand tu te lèves, t'écoutes de la musique? Non, sérieusement, je... Non, quand je, non quand je me lève, non, j'écoute rien du tout. T'écoutes je prends rien. D'abord mon café. T'es de mauvais poil quand tu te lèves? Non, pas du tout. Moi, je suis un peu de mauvais poil le matin. Non, je suis pas de mauvais poil du tout. Je suis un peu dans le brouillard, mais je ne suis pas le mauvais. Et à quel moment tu commences à écouter de la musique? Dans la voiture, à mon avis. Je commence dans la voiture, oui. Tu vas chercher les filles à l'école, parfois? Aux États-Unis, oui. Ouais, et tu écoutes, là, sur le chemin de l'école? Oui, je suis branché sur Highway. Highway, ouais, la radio. Country, par excellence, ouais. En Californie. Enfin, c'est du country rock. Hein. Oui, oui, voilà. C'est comme on l'aime, quoi. Ouais, comme j'aime. Et puis, tu penses à, tes, à ta scène, tu penses à tes disques suivants. Je pense à plein de choses, je pense à ce que je vais faire, je pense à des idées de nouvelles chansons, enfin voilà. Ouais. Tu sais, on, quand on est en voiture, on a le temps de, on a le temps de penser à plein de choses. Ouais. Tu connais Anthony Martin quand même, hein ? Bien sûr. C'est un garçon qui te suit. Anthony, il est là. Alors, il va venir. Il m'envoie souvent des messages par SMS, d'ailleurs. Et sur Twitter. Pour me dire, j'ai entendu telle chanson, j'ai entendu ton nouveau disque, enfin, bon, etc. Il m'envoie des petits messages comme ça sur Twitter qui sont fort sympathiques. C'est un garçon que j'aime bien, Anthony. On va le faire rougir comme la bonnette RTL. Ça fait longtemps que je connais. Il a l'âge des Nocturnes, 40 ans. Tu te rends compte? Exactement. Je suis né en même temps que les Nocturnes. Ouais. Non, mais là, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a le roi de la radio qui est à côté et puis le patron de la chanson française qui est là aussi. Donc, patron du rock'n'roll français. Il y a deux patrons qui sont côte à côte pour souhaiter cet anniversaire. On était fait pour faire cette soirée ensemble. Ouais. Oui, vous allez très bien ensemble. Ouais. Merci de nous offrir ça. On aime la même musique, alors ça tombe bien. Et merci pour la programmation, Johnny. Et merci pour tous ces souvenirs, Georges. Voilà, je me fais l'écho des fans qui écoutent, j'imagine. Ils sont nombreux, je le sais. Mon téléphone n'arrête pas d'exploser, là. Dis-moi, quand est-ce qu'on écoutera officiellement et pour la première fois, à part ce matin, on a découvert quelques titres, l'album nouveau de Johnny, Anthony, sur RTL. Le 31, le vendredi 31 mai, on va parcourir cet album encore plus en profondeur que ce qu'on a fait ce matin, où on avait un avant-goût. Donc voilà, on découvrira tout ça le 31, c'est-à-dire à 2 jours du démarrage de la tournée de Johnny et à 3 jours de la sortie de l'album. Et puis le 15 juin, rendez-vous sur l'antenne aussi avec Johnny, puisqu'on fera vivre à Bercy le concert en intégralité. Alors j'ai demandé qu'on m'apporte la liste des concerts. Je sais que ça commence par Bordeaux très bientôt. Le 2 juin. Le 2 juin, et après et la dernière date, le 27 juin, dans les arènes de Nîmes. Déjà, tu as le premier jour et le dernier jour. Hein. Entre-temps, Johnny aura beaucoup chanté. Bah écoute, Sébastien Ferrand, donne-nous les dates, puisque tu es là à côté, toi. Le festival de Boulazac à Périgueux le 4, Dijon le 6. J'irai acheter de la moutarde, tiens. Possiblement le 9, et après on passe à Bercy. Très bien, ben voilà, toute la famille de Johnny est là, tout le monde. Ah ben là voilà, Patricia nous apporte la liste, on va vous la donner un petit peu plus tard, on va écouter de la musique, parce que Johnny est là pour nous faire écouter sa musique, celle qu'il aime, et parmi tous les titres qu'il a enregistrés sur cet album On Stage, double album live qui paraîtra le 3 juin, et qu'on écoutera bien avant sur RTL, il y a un titre que tu as choisi d'ailleurs de faire entendre, c'est L'amour à mort. Oui, c'est une chanson que j'aime beaucoup, d'abord, c'est une chanson qui me rappelle un petit peu... Black Keys, par exemple. Oui. C'est dans le même esprit, en tout cas. Eh bien, on va écouter ça immédiatement parce que le disque est prêt. Vous écoutez l'émission Johnny de A à Z avec aujourd'hui On écoute une. Donc, c'est une rediffusion de l'émission des Nocturnes qui fêtait ses 40 ans le 22 mai 2013 et Johnny était l'invité principal. 40 ans des Nocturnes, Johnny programme l'émission. Il s'en sort bien, notre ami Johnny, pour la programmation. Vraiment, tu m'étonnes, hein. Super. On reçoit plein de mails, hein. Rentrer sur son lit avec les Black Keys à fond, c'est quand même génialissime. Merci à Johnny pour ce choix vraiment extra. C'est signé Carla. Et puis, un garçon de l'Est de la France qui nous dit, qui t'a vu à Esch-sur-Alzette, au Grand-Duché de Luxembourg, qui t'a vu au Galaxy à Amnéville. Le show était génial. La mise en scène, super. Et puis, comme d'habitude, les musiciens et les choristes étaient exceptionnels. J'ai beaucoup aimé aussi la partie Unplugged. Bah, tu vois, Gérard est content, donc tout le monde est content parce que Johnny, c'est un incontournable. Qu'est-ce que tu peux rendre les gens heureux aussi? Tu t'en rends compte quand même, Johnny? Bah, écoute, moi, de toute façon, mon but, c'est de rendre les gens heureux. Oui, mais alors, tu vas pas. Tu te rends compte si en plus je les rendais malheureux? Ils viendraient pas. Et là, ils viennent. Alors, je rappelle les dates rapidement parce que leur tourne 2 juin, tu seras à Bordeaux, on l'a dit, le 4 à Périgueux, le 6 à Dijon. Tu as dit que tu irais acheter de la moutarde, je répète ce que tu as dit. Le 8 juin à Douai, également au Mans, le 11 juin. Allez, il y a encore 2 pages à lire, mais on se dépêche. Ah oui, c'est de l'autre côté. Merci, Dominique Farron. J'allais dire Dominique. Voilà, je me suis trompé, c'est le fils de Dominique. Ben oui, ben on peut. À cette heure-ci, je peux me tromper. Ben, bien sûr, tu vois. Et puis alors, de l'autre côté, tout qu'est-ce qui a marqué? Alors, Paris, 14 juin. Ben oui, Paris, où ça? À Bercy, POPB. Également le 15, et puis aussi le 16. Et puis le 18 juin, à Vienne, au Théâtre Antique et également au Zénith de Rouen le 21 juin. T'as pas fini de transpirer, Johnny, mais t'as pas fini de rendre les gens heureux. Ils sont des millions à t'adorer et ça, tu le sais. Et tu fais comme si c'était normal. Mais non, c'est pas normal. Tu es exceptionnel. Je te le dis. Et l'exception, c'est de moi maintenant. Parce que j'étais pour moi tout seul cette nuit. C'est incroyable. Ben, je suis là, hein. Ouais, merci mille fois. Ouais, ça me fait plaisir d'être là. Camarade, remets-toi de ton décalage horaire. Oui, ça va, mon décalage horaire. Merci de ta visite. Rentre bien, parce qu'on avait dit qu'on arrêterait à 1h du matin. Et from the bottom of my heart, thank you so much. Mais bon anniversaire encore une fois. C'est sympa, Johnny. Vraiment, ça me fait plaisir. Et merci pour toute la bonne musique que tu nous passes tous les soirs. Eh bien, on va continuer. Crois-moi, on ne sait faire que ça, de toute façon. Ainsi s'achève cette émission spéciale les 40 ans des Nocturnes. C'était le mercredi 22 février 2013 avec un invité spécial, John Hallyday, qui a fait sa programmation. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Ah oui, un petit message à Georges Lang. Georges Lang, je suis disponible pour présenter ou co-animer une émission avec toi, une nocturne. Il n'y a aucun souci. Si tu m'entends, hein, voilà, ou sinon, faites passer le message. Merci encore toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Et on se retrouve mercredi à partir de 17h pour une nouvelle aventure. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.